Franck Poisson, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à ce podcast. Parlez-nous Merci. brièvement de vos projets passés. D'accord. Écoutez, j'ai eu la chance de lancer en France Google. J'ai été donc le premier salarié de Google France que j'avais ouvert à côté de chez moi, dans un petit bureau, et j'avais un téléphone et un ordinateur portable. Et j'étais salarié de Google Inc. Aux US et j'étais le 270e salarié. Donc j'ai connu Google dans ce qu'on appelait encore une PME, une petite et moyenne entreprise, puisque donc on était moins de 300 et c'était tout au début de 2002. Voilà. Donc après avoir ouvert l'Angleterre en août 2001, l'Allemagne en septembre 2001, j'ai eu le plaisir d'être le troisième bureau européen ouvert par Google. Et donc j'ai commencé tout seul et au fur et à mesure de la croissance du chiffre d'affaires des activités, on a recruté une équipe qui est aujourd'hui, je crois savoir qu'ils sont à peu près 90 à Paris. Ah oui. Et puis dans le monde, plus de 6 000 salariés, je crois. Donc de PME à très grande entreprise. Voilà. Et avant Google, j'ai eu aussi une autre vie. J'ai été successivement, avant Google, directeur commercial de BT Luxmart, qui était une joint venture entre British Telecom et le Web Directory américain Luxmart. Où donc j'assurais la vente de mots-clés déjà à l'époque chez Luxmart. On avait de très beaux produits publicitaires, le problème c'est qu'on n'avait pas beaucoup de trafic. On était donc en réseau, un peu à la système d'ouverture, Ouais. sauf que ce n'était pas un moteur, c'était un web directory, un annuaire comme on dit ici. Et donc on vendait des mots-clés. Et avant Luxmart, j'étais le directeur head of sales, directeur commercial d'AOL France. OK. Et avant l'Internet en 98, avant 98, j'étais en presse magazine. Je viens de chez Hachette Philippe Aki, où j'ai commercialisé des pages de pub dans les éditions Île-de-France de Match Elle et Paris Match, Elle et magazine Elle et Télé 7 jours. Voilà mon parcours, grosso modo. Très bien. Votre projet actuel, WebWag, une page d'accueil personnalisée, comment la décririez-vous? J'ai fait le constat suivant, c'est que, bon, il y a deux grands acteurs qui sont dans ce marché de la page personnalisable. Il y a ce que j'appelle les géants, Google, Yahoo, Microsoft, qui proposent chacun une page d'accueil personnalisable. Sauf que, comme je dis toujours, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et je pense pas que sur Internet, je pense que sur Internet c'est la même chose, on ne met pas tous ses clics sur les mêmes sites web. Dans une journée, on va ouvrir des dizaines de fenêtres, on va faire des centaines de clics. Et tantôt on est sur du Google, tantôt on est sur du MSN, tantôt on est chez Yahoo, tantôt on est chez eBay, etc., etc., etc. Et je ne pense pas que les utilisateurs, enfin je pense pas, je pense que si les utilisateurs utiliseront les pages personnalisables de ces grands acteurs Internet anglo-saxons, néanmoins pas tous. Pourquoi? Parce que ce soit Google, Microsoft ou Yahoo, ils proposeront toujours que des produits maison. En d'autres termes, on ne verra jamais sur google.com/IG le search Yahoo et encore moins le mail Yahoo. Et de la même façon, sur MyYahoo, vous ne verrez jamais le moteur de recherche Google. Or, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les statistiques mondiales? Eh bien, les utilisateurs utilisent Google pour le search, en grande majorité, Yahoo pour le contenu, MSN pour la messagerie instantanée, etc., etc. Chaque marque, chaque géant est légitime dans son propre domaine. Donc, je pense que oui, effectivement, ils créent des pages personnalisables, ces grands géants, mais ils n'auront que des produits maison. Et l'autre moitié du marché mondial, je me trompe peut-être, mais c'est la vision que j'ai, c'est que l'autre moitié seront des pages d'accueil personnalisables complètement indépendants, ce que j'appelle les indépendants. WebWag fait partie de ces indépendants, c'est-à-dire que sur WebWag, vous mettez le moteur de recherche que vous souhaitez, vous mettez la messagerie instantanée que vous souhaitez, vous mettez les blogs que vous souhaitez, etc., etc. Vous n'êtes pas dépendant d'écran. Mais quand bien même, vous pouvez apporter des morceaux de légitimité d'écran sur votre page d'accueil sur WebWag. Par exemple, mettre le moteur de recherche Google, votre mail Yahoo, votre mail Gmail, etc., etc. C'est l'intérêt d'une page d'accueil d'un indépendant. Ouais, il y a un constat qu'on peut faire aussi, c'est que les pages d'accueil des grands comme Yahoo, Google sont beaucoup moins flexibles et il y a une facilité d'utilisation qu'on ne retrouve pas dans ces pages-là, qu'on peut retrouver dans des pages comme WebWag. Est-ce que c'est l'une des lacunes que vous avez identifiées lorsque vous avez lancé votre projet? Très honnêtement, non. Je ne me permettrai pas de critiquer ce que font les géants, parce que nous, on est tout petits. Donc, c'est la première raison. Et puis, mais l'idée fondamentale, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est qu'effectivement, on ne met pas tous ces clics sur les mêmes sites. Et je ne pense pas que on peut manger, excusez-moi de l'expression, du Google toute la journée, du calendar en passant par le search, le blog, etc. On sait très bien que la vie, c'est pas ça. Que Google ait une diversification à faire, on comprend bien. Que Microsoft également, on comprend très bien. Mais néanmoins, les utilisateurs ne sont pas sur des web properties de Microsoft toute la journée. Ils ne sont pas sur des web properties de Yahoo toute la journée, etc., etc. Je pense que l'Internet premier, c'est l'Internet indépendant. C'est que l'utilisateur doit être complètement libre de mettre ce qu'il veut sur son espace. Et c'est le sens, et en tout cas, pour utiliser un grand mot, la mission qu'on se donne chez WebWag. De quelle façon vous voulez développer votre clientèle chez WebWag? Actuellement, vous êtes en bêta privée sous invitation qui est facilement obtenable, mais comment voulez-vous développer votre le nombre de visites, accroître finalement la fidélité des gens qui utiliseront WebWag? Alors, et les premiers utilisateurs, évidemment, sont assez fidèles, je dois dire. C'est-à-dire que l'essayer, c'est un peu le garder. L'essayer, c'est un peu l'adopter, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois dans les statistiques. D'autre part, il y aura des partenariats forts qui vont être faits avec des navigateurs, des fournisseurs d'accès, etc. Donc ça, c'est une des premiers axes de développement de partenariat. C'est l'idée, c'est d'apporter la valeur ajoutée que propose WebWag sur des carrefours d'audience que sont des applications telles qu'un navigateur, par exemple. D'autre part, un peu à la Google, puisque j'en viens de chez Google, je pense que c'est le produit aussi qui va faire la différence. C'est-à-dire que si le produit est bon, vous n'avez pas franchement besoin de marketing. En tout cas, c'est ce que j'ai appris chez Google. Donc, raison pour laquelle on commence en bêta privée, parce qu'on veut un bon produit. On le lance aussi cet été, c'est pas non plus un hasard, ce qui nous permet de tester l'application sur des faibles volumes dès le départ, de façon à être prêt définitivement au mois de septembre où nous aurons une belle actualité en termes de partenariat. Sur votre blog, vous mentionnez mettre l'accent sur la communauté open source et les engins de recherche. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur cette stratégie? Oui, tout à fait. J'ai vu que chez mes concurrents potentiels, que sont les pages d'accueil personnalisables indépendantes, c'est la communauté open source qui apporte de la valeur ajoutée avec des widgets qui sont fort sympathiques. Exemple, une widget qui donne les cours de bourse. Finalement, quand on y réfléchit, c'est le support qui reçoit cette widget qui a tout d'un coup une forte valeur ajoutée pour ses utilisateurs. Mais in fine, outre la passion, le développeur open source, lui, n'est pas récompensé. Et on a trouvé légitime chez WebWag de récompenser de façon pécuniaire. Les développeurs open source qui vont créer des widgets pour WebWag. Donc on est en train de mettre ça en place, c'est pratiquement terminé. L'idée, elle est très simple, c'est que nous fournissions des API, des tutoriaux, que les développeurs open source puissent créer un widget. Il y a un comité de validation qui est le plus objectif possible, qui fera pas forcément partie de WebWag, donc un comité de validation. Et puis, dès que les internautes WebWagger, dès que les WebWagger, quand je dis WebWagger, c'est un utilisateur de WebWag qui s'est créé un compte, hein, d'accord? Un WebWagger qui est sur WebWag depuis plus de 15 jours et un WebWagger qui va garder la widget en question parce qu'il la trouve très bien et à forte valeur ajoutée et qui la met sur sa page pendant au moins 15 jours. À ce moment-là, on déclenche le compteur. Et au bout de 100 utilisateurs de WebWagger qui utilisent la dite widget créée par le développeur open source, eh bien, nous rémunérons le développeur via un compte PayPal. L'équipe de WebWag se compose de combien de personnes en ce moment? Alors, on a quatre développeurs, un chef de projet, un graphiste et moi-même. Donc à quatre, vous êtes arrivé à lancer le produit. Et je dois dire Tout à d'ailleurs fait. qu'il est très stable. La page Merci. est absolument Merci. très stable pour un projet à l'état bêta. Quel modèle d'entreprise voyez-vous pour WebWag? Qu'est-ce que vous entendez par modèle d'entreprise? En fait, de quelle façon vous pensez aller tirer vos revenus? Est-ce que vous allez adopter un peu le principe de Firefox qui, avec la présence de la fenêtre de Google, va chercher quelques dollars par utilisateur? Est-ce que vous pensez Alors, faire à peu près la même chose avec les fenêtres de recherche que vous allez offrir? Pour être très honnête avec vous, comme vous le savez, nous sommes dans un environnement très concurrentiel. C'est-à-dire que pourquoi il est concurrentiel? Parce que d'avoir une page d'accueil personnalisable, je pense que c'est quelque chose qui va traverser le temps. Je pense que c'est avec le blog, je dirais que ce sont les deux grandes fonctions qui resteront après le hype, le buzz autour de ce fameux Web 2.0. Il y a des choses qui, je pense, disparaîtront d'elles-mêmes parce qu'elles sont un peu trop fantaisistes, un peu trop, voilà, trop fantaisistes à mon sens. Et puis, il y a deux grandes fonctions, deux grands outils qui resteront, à mon sens, que la technologie permet aujourd'hui et qui resteront. C'est un, les blogs. Et ce que je viens de vous dire à propos des blogs n'est plus à démontrer. Je pense que tout le monde a compris que demain, tout le monde aura un blog. Et la deuxième chose, ce sont les pages d'accueil personnalisables. Et WebWack n'est pas, très honnêtement, le premier à entrer sur ce marché. Il arrive sur ce marché avec des idées nouvelles. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est pas là. Parce qu'on est le premier sur un marché historiquement qu'on va forcément être le leader. Je pense notamment à Google, dans le domaine du search, ou je pense notamment à Overture, qui a inventé les liens sponsorisés, mais c'est Google qui aujourd'hui en est le leader mondial. Et je reviens sur le search, je ne pensais pas à Google, je pensais à AltaVista, pardon. Historiquement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est le premier historiquement qu'on va forcément être le plus populaire dans les années qui viennent. Donc, tout ça pour vous dire et répondre à votre question, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un environnement très concurrentiel. La grande question que se pose aujourd'hui, c'est comment les pages d'accueil personnalisables vont pouvoir gagner de l'argent, parce que ce n'est pas simplement une question d'enrichissement pour le fondateur, c'est surtout et avant tout de rembourser les frais qu'engendre ce genre de service qui, comme vous pouvez l'imaginer, en termes de bande passante, et d'hébergement coûte relativement cher et je ne parle pas Absolument. du développement. Oui, absolument. Puis Donc, l'utilisateur lui-même ne paie rien, donc l'argent doit voilà, provenir ailleurs. exactement. Il y a une vraie architecture derrière qui est effectivement source de coûts. Donc effectivement, oui, pour répondre à votre question, il y a des modèles économiques qui ont été pensés en amont avant même le site. Simplement, la seule indication que je peux vous donner, c'est que vous regardez mon parcours et puis vous remarquerez que sur les 5 dernières années, j'ai travaillé dans le search. Donc je vous laisse deviner. Là où on va apporter de la valeur ajoutée à nos utilisateurs Webblogger. Quelle fonctionnalité sera ajoutée à WebWag au cours des prochains mois? Est-ce qu'on peut penser, j'ai lu que vous pensez à une plateforme mobile, est-ce qu'on peut penser aussi à l'ajout de lecture de MP3, vidéo, audio, certains mashups avec des services déjà existants? Vous ne pouvez pas vous imaginer combien votre question tombe à point. Peut-être que vos auditeurs pensent que l'interview est préparée, mais puisque vous parlez de MP3, je peux vous annoncer que, allez, d'ici fin de semaine prochaine, ou plus tard, on aura un lecteur de MP3, donc de podcast, avec une image de votre iPod. Donc, ça sera un iPod qui sera sur votre WebWag, et vous pourrez utiliser avec votre souris votre iPod, tourner la molette comme sur un vrai iPod, cliquer dans l'écran de l'iPod les fichiers podcast que vous voulez lire. Donc, c'est une petite fonctionnalité qu'on a trouvée assez sympathique. Et on espère qu'elle rencontrera un succès, mais on n'en doute presque pas. Donc, on peut penser qu'au cours des prochains mois, il y aura un ajout graduel de Oui, bien fonctionnalités. sûr, bien sûr. N'oubliez pas que WebWag a 3 semaines en existence. Absolument. Et le WebWeb Factory, vous attendez des inputs de la communauté open source aussi? Oui, absolument. On attend des utilisateurs qui nous disent aussi qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir comme nouvelle fonctionnalité. WebWag est quand même fait pour les webwaggers. Et puis effectivement, les développeurs auront chacun un desk, c'est-à-dire un espace. J'ai l'habitude de dire que ça sera leur IB un peu à eux, c'est-à-dire le IB du développement open source, c'est-à-dire qu'ils pourront se présenter, ouvrir leur corner en quelque sorte, ça s'appellera un desk. Ils pourront se présenter, photo, email, envoyer un lien qui renvoie vers leur blog, leur passion, se décrire tout simplement. Et montrer au public les widgets sur lesquels ils sont en train de travailler. Et voilà. Et ils seront rémunérés. On reconnaît là le côté marketplace. Et ils seront rémunérés à l'usage de la widget, à partir, encore une fois, de la centième widget téléchargée. Eh bien, ils toucheront une somme pas très importante non plus. Je ne dis pas qu'ils vont faire fortune avec WebWag, mais en tout cas suffisamment pour les motiver À continuer. à continuer. En terminant, dans un an, vous voyez WebWag comment? Très honnêtement, c'est difficile à dire. Très humblement, j'ai commencé Google en France. Je dois vous dire que je n'avais jamais imaginé, et les 269 autres salariés avant moi chez Google n'auraient jamais imaginé, je pense à commencer par Sergey et Larry, n'auraient jamais imaginé que Google aujourd'hui pèserait 130 milliards de dollars en bourse, ou 140, je ne sais plus, et serait leader mondial du search. Donc, j'ai appris à être modeste chez Google, et même avant, et je crois que c'est ma nature. Donc, vous dire si on sera leader mondial, je ne m'y aventure pas. On essaie de se concentrer sur le produit, être à l'écoute à la fois de la communauté open source et à la fois des utilisateurs. Mais bon, évidemment, on a de grandes ambitions de devenir une place importante. Voilà, Franck pour ce Poisson, projet. merci. Je vous en prie, merci de votre temps et de m'avoir interviewé. Merci. Merci.